scientifique actuelle dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castor, l'émission de Paul Sarrès, Le Progrès et la Vie. Rendez-vous à 5h. Les années 60, une émission de Philippe Garbi et Virginie Mourtet. La série Chronique de mai, signée Dominique Chagnelot, se poursuit. D'émission en émission, nous sommes passés de Nanterre à la Sorbonne, de l'entrée des ouvriers dans le mouvement à l'éclatement de ce mouvement, du flottement aux hésitations du pouvoir. Nous voici le 24 mai, nous voici à la deuxième nuit des barricades, nous voici aux négociations de Grenelle. Et voici donc la cinquième émission de cette série. Chronique de mai. Paris, Paris. Chronique de mai. Mais Paris. Une série de Dominique Chagnelot, réalisée par Jean-Jacques Vierne. Mais Paris. Cinquième émission, est-ce l'apaisement ? Avec Jacques Tarnero du mouvement du 22 mars, Henri Weber, jeunesse communiste révolutionnaire, Jacques Rémy, étudiant à la Sorbonne, Roland Castro, union des jeunesses communistes marxistes-léninistes, Maurice Grimaud, préfet de police, François Degnaud, UNEF Nantes, Bernard Tarot, agriculteur Nantes, Yvon Roqueton et Alexandre Hébert, force ouvrière à Nantes, Serge Perrin, CFDT Nantes, Georges Prempart, CGT Nantes, Nicole Grimaud, François Sérac, vice-président du CNPF, René Bonetti, CFDT, Jean Bornard, CFTC, Georges Segui, CGT, et Jean-Marcel Jeanneney, ministre des Affaires sociales. Et les voix de Daniel Cohn-Bendit, Christian Fouché, Charles de Gaulle, Georges Pompidou. Nous, Français, devons régler un problème essentiel que nous pose notre époque, à moins que nous nous roulions à travers la guerre civile, aux aventures et aux usurpations les plus odieuses et les plus ruineuses. On se trouvait entre Gare de Lyon et Bastille, par là, très entassé. Jacques Rémy. Et on a écouté au transistor ce discours. Et De Gaulle était à côté de la plaque. Et il a fait un discours assez mou, parlant de référendum, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que nous avons tous sorti nos mouchoirs, ou les foulards, souvent, qui nous servaient contre les gaz lacrymogènes. Nous les avons agités en disant « Adieu De Gaulle, adieu De Gaulle ». Et je garde toujours cette image-là. Qui est très belle, je crois, et qui était... c'était un adieu... c'était pas un adieu coléreux à ce moment-là, c'était... bon, c'est fini, c'est une histoire qui se finit, on part ailleurs. Depuis bientôt 30 ans, les événements m'ont imposé en plusieurs graves occasions le devoir d'amener notre pays à assumer son propre destin afin d'empêcher que certains ne s'en chargent malgré lui. J'y suis prêt, cette fois encore. Mais cette fois encore, cette fois surtout, j'ai besoin, oui, j'ai besoin que le peuple français dise qu'il le veut. Jacques Tarnero. Je me souviens qu'il y avait une foule de gens, qu'on était encore ensemble le 22 mars, gare de Lyon, et que ça nous apparaissait comme dérisoire. Le propos de De Gaulle, c'était adieu De Gaulle. Les choses étaient tournées en dérision. Ça n'apparaissait plus comme important. Compte tenu de la situation tout à fait exceptionnelle où nous sommes, et sur la proposition du gouvernement, j'ai décidé de soumettre au suffrage de la nation un projet de loi par lequel je lui demande de donner à l'État, et d'abord à son chef, un mandat pour la rénovation. Tel est le but que la nation doit se fixer elle-même. Française, Français, au mois de juin, vous vous prononcerez par un vote au cas où votre réponse serait non. Il va de soi que je n'assumerai pas plus longtemps ma fonction. Si par un oui massif, vous m'exprimez votre confiance, j'entreprendrai avec les pouvoirs publics, et je l'espère, le concours de tous ceux qui veulent servir l'intérêt commun, de faire changer partout où il le faut des structures étroites et périmées et ouvrir plus largement la route au sang nouveau de la France. Vive la République! Vive la France! Daniel Colmadis, voici très longtemps qu'on ne vous a pas vu. Qu'êtes-vous devenu? J'étais dans Paris, j'ai continué à militer à l'intérieur du mouvement du 22 mars et je suis à l'intérieur de la manifestation aujourd'hui. On a prétendu que vous étiez retourné en Allemagne depuis votre retour à Paris, est-ce exact? Je suis là, ici, aujourd'hui. Ça, c'est une chose sûre maintenant. Ce qu'on prétend où je suis, on peut prétendre 36 choses, moi je veux bien. Avez-vous eu des contacts avec la police? Est-ce qu'on vous a demandé de repartir? Est-ce qu'on vous tolère ici? Qu'est-ce qui se passe? Quelle est votre situation? Ma situation est que je suis en France. J'ai toujours ma carte de séjour, d'ailleurs, qui est dans ma poche, ici, vous voyez, qui n'est pas radiée. Donc je suis en France, j'ai passé la frontière, je suis à Paris, je manifeste à Paris, et un point c'est tout. Quel est votre objectif pour l'instant? Continuer le combat politique tel qu'il a été défini sur les bases du mouvement du 22 mars. Quelle était votre réaction après le discours du général de Gaulle? Je crois que la seule chose politique qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas la peur. Prenez garde, les savoirs, les bourgeois, les gamins, les curés, la jeune garde, il descend sur le pavé. C'est la lutte finale qui commence. Prenez garde, c'est la revanche de tous les meurs de faim. Prenez garde. Révolution qui s'avance et qui sera victorieuse demain. Prenez garde, prenez garde, la jeune garde. Saint-Michel, mais disons au nord du Dupont-Latin. Il y a donc un no man's land d'environ 300 mètres. entre les manifestants et les policiers qui se trouvent, eux, sur le pont Saint-Michel. On tire des grenades lacrymogènes avec des fusils lance-grenades, c'est vous dire l'ampleur de la manifestation et la façon dont les forces de l'ordre ont l'intention de, faire dégager les barricades. Car il y a des barricades entre l'ancien Dupont Latin, la librairie Gibert Jeune et le haut du boulevard Saint-Michel. Il y a entre 5 et 10 barricades qui ont été dressées, des barricades en dur, ce ne sont plus de simples barrages. Et il y a des pavés, il y a des arbres qui ont été sciés. Certaines des barricades atteignent 1,50 m de haut. C'est vous dire que lorsque la police va donner l'assaut, car elle a l'intention de le faire, c'est visible, ça va être très sérieux. Le groupe auquel j'appartenais était très hostile à ce que les étudiants retournent au quartier latin le 24. Henri Weber. Parce que le comique de répétition, ça va bien une fois, deux fois, mais on comprenait bien que si chaque fois qu'il y a une manifestation, elle se termine au quartier latin par une bataille rangée, on allait perdre l'opinion. L'opinion allait se retourner, on était parfaitement conscients. Donc, on voulait éviter absolument. La manifestation avait été convoquée à la gare de Lyon. Le parcours ne devait pas retraverser la Seine. Bon. Mais les manifestants décident. Les groupuscules proposent, les manifestants disposent. Ils étaient des dizaines et des dizaines de milliers. Je ne sais pas combien on les a évalués, je n'ai plus le chiffre en tête. C'était une foule qu'on ne contrôlait pas. Alors, la seule chose qu'on pouvait contrôler, c'est des accidents marginaux. Par exemple, dans le quartier de la gare de Lyon, il y a beaucoup d'armuriers. Alors, certains manifestants, un peu excités, voulaient lever les rideaux de fer et prendre les armes. Alors là, évidemment, nous, on s'est interposés, on a empêché cela. On a mis notre service d'ordre à coup de matraque pour empêcher des gens de piquer les armes dans une armurerie, quoi. Mais ça, c'est parce que c'était lié à la compréhension politique qu'on avait du mouvement et jusqu'où on pouvait aller. Alain Crivine. Et j'ai dit tout à l'heure, nous, on sentait bien que c'était pas une révolution, on pouvait pas faire n'importe quoi. Et il fallait surtout sauver l'unité du mouvement et en fonction des conditions qui existaient à l'époque. Et l'idée de lutte armée, n'existait pas à l'époque. Et à un moment, près de la gare de l'Est, il y a effectivement une partie du cortège très minoritaire qui voulait rentrer dans une armurerie et se servir. Alors là, on a mis le service d'ordre de la Ligue, il y a eu une bataille assez violente pour empêcher les gens de se servir. Un de nos objectifs également était d'éviter d'aller trop loin, et en particulier d'éviter qu'il y ait recours aux armes. C'est-à-dire pourquoi, tout au long du mois de mai, on a évité d'occuper des bâtiments officiels comme les ministères, pour ne rien dire de Matignon ou de l'Élysée, ou des commissariats. On a évité toutes les actions qui auraient contraint les forces de l'ordre à faire usage des armes. Les manifestants fuient maintenant de la place Edmond-Rostand. Il semble qu'il y ait une charge assez violente, oui. Maintenant, c'est le matraquage. Les manifestants refluent vers la place de la Sorbonne. Les ambulances suivent derrière. Ça va ? Ça va ? On a même dit plus tard qu'on aurait pu prendre aussi l'Elysée si on avait voulu. Mais ce n'était pas notre problème, on n'a pas raté quelque chose là. Mais notre problème, ce n'était pas de prendre le pouvoir. Je sais qu'on est à un moment donné avec des gens comme Omar Diop, qui était au mouvement du 22 mars, qui était sénégalais et qui a été tué au Sénégal. On est au SNESUP, rue Monsieur le Prince, en train de remplir des cocktails Molotov avec des gens qui viennent avec des barils d'essence et d'autres qui sont avec leurs barils d'essence en train de fumer une cigarette. Et on redescend avec nos cocktails Molotov dans le boulevard Saint-Michel. On s'aperçoit qu'il y a des arbres qui ont été abattus, qu'il y a des trucs qui crament un peu partout. Donc là, il y a une dimension beaucoup plus éparpillée, non contrôlée, ultra-violente. Puis il y a un mot d'ordre qui circule. Je ne sais plus à quel moment, je sais qu'on va, l'idée est d'aller à la Bourse. On va donc à la Bourse, et il y a l'incendie de la Bourse. Je me souviens que j'avais aussi, que les choses se sont dispersées après, qu'on était morcelés, éparpillés, et qu'on avait encore des cocktails Molotov, dont on ne savait plus quoi faire, et que je me souviens avoir jeté contre le ministère de la Marine, place de la Concorde. La Bourse est en feu. En ce moment même, il y a des flammes qui montent à l'intérieur de la Bourse, car des manifestants ont pénétré, je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'intérieur de la Bourse. Ils ont forcé tout d'abord les grilles, ils ont monté les marches, ensuite ils ont enfoncé les portes. Ils ont déposé à l'intérieur de la bourse des cajots qui traînaient par là, des détritus aussi qui étaient dans le coin, justement rue du 4 septembre, rue Vivienne, et ils les ont mis à l'intérieur et ils les ont enflammés. Je crois que c'est moi qui ai dit on met le feu à la bourse, mais on doit être au moins 300. Vous trouverez 300 mecs qui disent c'est moi qui ai pensé la bourse. Roland Castro. Je crois que sur l'histoire de la bourse, il y a eu un désir collectif, dans le symbolique purement d'ailleurs. Le temple du capital, enfin, je me vois très bien disant faire brûler le temple du capital. Mais je crois qu'il y en a plein qui ont la même histoire avec le temple du capital. Vous savez, c'est une histoire jolie parce qu'on n'a jamais attaqué les vraies institutions. Le Parlement, le souvenir le plus hallucinant, c'est une manie de 50 000 mecs qui passent devant le Parlement qui fait même pas gaffe. Comme s'ils passaient devant un immeuble de la paternelle vie avec des mecs qui habitent dedans. Alors par contre, la bourse est drôle, c'est vraiment le pognon. Symbolique, là, c'est vraiment drôle. Les manifestants sont remontés, chargés sporadiquement. C'est le 24 mai que nous avons connu les craintes les plus fortes. Maurice Grimaud. Il y a eu à ce moment-là non seulement tout le quartier latin qui était reparti, n'est-ce pas, en ébullition, avec tout le scénario habituel, barricade et tout le reste, mais en même temps, nous avions toute la rive droite qui, pour la première fois, commençait à être aussi, si je peux dire, à feu et à sang. Personnellement, je me suis battu rive droite, je garde des souvenirs, c'était les Halles existaient encore à l'époque, et... On était encouragés par les putains, par les camionneurs. Il y avait un ami prêtre qui était allé prêcher sur le plateau Beaubourg, où il n'y avait pas encore évidemment le Centre Pompidou, mais où se garaient les camions, hein, qui était allé prêcher les camionneurs pour leur expliquer combien notre mouvement était juste et bon. Et on était avec la population, le monde des Halles, relativement, je dis, il faut pas non plus mythifier, relativement en symbiose, c'est-à-dire hein, du moment qu'on touchait pas à leur matériel, etc., ça allait. En revanche, avec les flics, on n'était pas du tout en symbiose. Et moi, je me souviens de combats extrêmement violents sur le boulevard Sébastopol. Et ensuite, il y a eu des combats très violents aussi rive gauche, d'après ce que j'ai su. Et la traversée des ponts, la traversée de la Seine était, comment dirais-je, une entreprise extrêmement périlleuse. Hein. Moi, je me souviens d'avoir manqué avec Jean Crubelier, que j'avais péniblement suivi, parce qu'il allait vraiment très très vite, très très près des flics, dans les affrontements. Je me souviens d'avoir traversé la Seine avec lui et d'avoir croisé une voiture de flics. Et dans un de ces moments où les uns et les autres se regardent, il se passe, on ne sait pas quoi, ça peut basculer, comme ça peut... Finalement, les flics ont jugé bon que... Bon... de continuer leur chemin tranquillement. On était très contents parce qu'on était au milieu du pont et la situation était très difficile. On arrivait à un moment qui était toujours le moment très difficile pour nous, le moment de la relève des forces de police. C'est-à-dire, on ne peut pas laisser des gardiens de la paix ou des gendarmes ou des CRS indéfiniment, pendant des heures, des heures et des heures, en action ou en préparation d'action, sans avoir à les relever. Or, la relève... est rarement possible avec les mêmes unités. On a fait le maximum d'effectifs pour faire face au maximum des troubles. On a calculé largement avec l'idée que tout cela pourrait se terminer vers une certaine heure de la soirée. On a en réserve des troupes, mais peut-être deux ou trois fois moins nombreuses. Et là, le 24 mai, c'était le moment des basses eaux. C'était vraiment le moment où, en raison de l'extrême fatigue accumulée par les différentes formations de maintien de l'ordre, j'avais le moins de réserves possibles et des réserves qui étaient elles-mêmes fatiguées. Il s'est comporté comme un grand serviteur de l'État et de la République, comme un grand démocrate au poste où il était. C'est une grande chance qu'un homme comme Grimaud ait été à cette place, à cette époque. J'avais eu un long entretien avec le général commandant de la gendarmerie la veille, qui m'avait dit toute son inquiétude. Donc on avait eu là, le 24, un moment très difficile, un passage très difficile. on vient nous proposer des armes, des anciens d'Algérie, des résistances, soutien au FLN, qui viennent nous proposer des armes, des grenades, ou bien je rencontre des physiciens de Normal Sup, à côté de la fontaine au jardin du Luxembourg, auxquels on va demander, qui vont nous aider pour fabriquer des explosifs. Mais en même temps, je me demande aussi qu'est-ce qu'on va faire de tout ça. Alors certains qui étaient des militants ouvriers, par exemple, des types de la CGT libertaire, qui étaient des anciens d'un certain nombre de conflits très durs, sont très preneurs de ça. Au contraire. Mais ça m'apparaît pour moi, à l'époque, c'est pas clair. Je sens très bien qu'on est sur une ligne périlleuse, là. Voilà. Alors, dégagement à la soufflante, les manifestants. Ce n'est qu'un début, continuons le combat et les grenades explosent. Les médecins qui soignent en ce moment les blessés demandent d'une manière urgente qu'on leur apporte dans la cour de la Sorbonne, si possible, de l'oxygène, du colire novésine, du colire antibiotique, tous les antibiotiques possibles, du calcium pour intraveineuse d'une manière extrêmement urgente, du chlorure de sodium, de l'équantil, du valium, du kalium, du sérum antitétanique, du solidécadron, des scalpels et des lames de rasoir ainsi que des seringues et des aiguilles. Prière de les porter, s'il vous plaît, dans la cour de la Sorbonne. Il est 3h30, je viens de téléphoner au préfet de police, c'est pas encore fini. Ça va être fini dans quelques minutes. Christian Fouché. Ou une demi-heure, peut-être une heure. Il y a encore 2 ou 3 barricades sur lesquelles se battent la pègre. La pègre, on sait très bien ce que c'est que la pègre, c'est-à-dire ce qui sort du fin fond des pavés de Paris quand il y a de mauvais coups à donner. Et pour cette pègre, les mauvais coups peuvent être à tout moment. Et ces coups peuvent être des coups, encore une fois, je me répète, vous m'excuserez, il est 3h30 du matin, je suis peut-être un peu fatigué, des coups meurtriers. Je vais vous dire une chose que vous ne savez peut-être pas. C'est que le président de la Croix-Rouge française a téléphoné tout à l'heure au préfet de police, M. Grimaud, pour condamner avec force la position de la Croix-Rouge sur quantité de voitures qui circulent dans Paris. Alors on dit, oh, il y a des Croix-Rouges, regardez ces voitures pleines de blessés. Savez-vous ce qu'il y a à l'intérieur? Il y a des micros, c'est le président de la Croix-Rouge française, lui-même, qui l'a dénoncé. Il y a des micros avec des espions qui parlent à d'autres espions. Certains étudiants m'ont dit, s'il s'est passé quelque chose, c'est parce que les forces de l'ordre étaient là. Si les forces de l'ordre n'avaient pas été là... Écoutez, les forces de l'ordre. Alors, les forces de l'ordre, depuis des jours, ils se battent, on les a critiqués beaucoup. On a eu tort. Voilà des hommes qui reçoivent, depuis des jours et des jours, des insultes, d'une part, ce qui n'a jamais fait plaisir à personne, et aussi des pavés qui peuvent les tuer. Vous savez que nous avons eu aujourd'hui, pas à Paris, mais à Lyon, un commissaire de police qui a été tué, un autre qui est très grièvement blessé, et un sapeur-pompier qui est très grièvement blessé. Les pavés qu'on leur envoie à ces hommes du service d'ordre et les billes de fonte que le préfet de police m'a dit tout à l'heure sur son téléphone, avoir par dizaines et dizaines sur son bureau, parce qu'on les lui apporte comme pièces de collection, probablement. Là, ce sont des armes. À Nantes, le 24 mai, la place royale est rebaptisée place du peuple, mais ce n'est pas la commune de Paris. Le même jour, rassemblement d'agriculteurs en 4 points qui convergent vers Nantes. Successivement, François Deniaud, Bernard Tarot, Yves Rocton, Serge Perrin, Nicole Grimaud, Georges Prempart et Alexandre Hébert. Cette action du 24 mai, c'était un mot d'ordre de la FNSEA. En fait, la FNSEA, voyant qu'il allait y avoir des négociations avec les ouvriers, se disant, nous, on va être les parents pauvres, donc nous, les paysans, il faut qu'on manifeste pour, nous aussi, récolter des miettes, en fait, d'une négociation éventuelle. Donc, sommet, tous les départements agricoles, de faire une manifestation typiquement agricole. Et nous, en Loire-Atlantique, on a dit, puisque l'opportunité nous est donnée, on va faire la manifestation agricole, mais on va la lier avec les ouvriers. La grève sera appliquée avec une fermeté évidente, mais aucun élevage agricole, aucun produit alimentaire ne sera perdu pour raison de non-approvisionnement, ou en aliments du bétail, ou en fioul. Autrement dit, la solidarité va jusqu'au niveau économique. Ça y va au compte-gouttes. C'est pas le préfet, c'est pas le directeur de l'entreprise qui obtient son fioul. C'est les centrales ouvrières qui donnent les bons et le fioul arrive à destination. Donc aucun gaspillage. Il y a là quelque chose d'assez formidable. La Loire-Atlantique restera à ce niveau-là un exemple. L'économie a pu marcher sans préfet, sans rien du tout. Ça marchait, on aurait pu tenir 2 ans. La commune de Nantes, c'est le rêve qui n'a pas été réalisé. Je veux dire que dans la dimension politique, il est probable qu'à Nantes, ça a été peut-être un peu plus loin du point de vue de la manière dont, ne serait-ce d'ailleurs que parce qu'il y a eu conjointement et les étudiants et la grève à Sud Aviation, la classification que ça prenait. Et donc la signification politique qui consistait à dire on n'accepte pas les institutions et inconsciemment ou consciemment pour certains, pour des gens comme moi, je savais ce que je faisais, j'étais militant engagé de toute façon par-dessus le marché, ça avait la signification de la grève générale au sens de la dualité de pouvoir. Il n'y a pas eu, à mon avis, cette volonté de faire en sorte que la ville soit dominée par par les organisations syndicales ou par une bande de gens désignés ou élus qui auraient dirigé la ville. Non, je crois que ce qui s'est passé, c'est que on a fait en sorte que la grève ait le moins d'effets négatifs possibles sur la population. Alors, il y avait des commissions, des copains qui, tous les matins, aller aux mines et vérifier les prix du mine, et ensuite descendait sur les marchés et avait décidé, si ma souvenir est bonne, c'était une marge de 30%. Oui, je crois que c'était quelque chose qui était acheté 100 francs aux mines, devait être vendu 130 sur les marchés. Oui. Et le commerçant qui dépassait cette mesure se voyait gentiment rappelé à l'ordre. Je crois que les femmes ont une partie très grande dans une grève parce que c'est elles qui font bouillir la marmite. Et puis, quand il n'y a plus d'argent à la maison, les femmes, elles sont souvent derrière les hommes à leur dire il faut reprendre le boulot, il faut reprendre le boulot. La commune de Nantes, ça voulait dire la prise du pouvoir, même au niveau d'une commune, ça n'était pas vrai, ça n'était pas ça. L'action syndicale n'a pas... même à Nantes, où il y a eu ce qu'on appelait ce comité de solidarité intersyndicale, ne conduisait pas à la maîtrise administrative et politique de la vie sociale, de la vie en général à Nantes. Je crois que commune de Nantes, non, c'était pas... Il n'y a pas eu le prolongement politique à une action qui avait une dimension politique, en définitive. Il n'y a pas eu de commune de Nantes. J'ai rêvé, moi, qu'il y aurait une commune de Nantes, mais ça a été qu'un rêve. Et la grève générale devait mener à quoi ? Ah ben moi, je pensais que ça allait mener à la République des Soviets. Enfin, que ça pouvait mener, faut que je sois prudent, parce que faut pas que je paraisse plus naïf que je suis, mais je dois dire que jusqu'à cette époque-là, je pensais, moi, que la grève générale, avec sa logique propre, pouvait aboutir à un processus révolutionnaire. Or, je me suis aperçu, et c'est là, j'ai appris une chose en 68, c'est que la grève générale, pour importante qu'elle soit, ne suffit pas. Et ce qui manquait, c'était effectivement une direction révolutionnaire. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les travestis vont se raser, les stripteaseurs sont raviés. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leur glace. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Georges Pompidou, 25 mai. Cette agitation est d'autant plus déplorable qu'elle se produit au moment même où vont s'ouvrir, sous ma présidence, au ministère des Affaires sociales, une confrontation générale avec l'ensemble des organisations syndicales et patronales. À la liste qui vous a été donné hier et qui a été publié, il y a lieu d'ajouter la Fédération de l'éducation nationale qui, compte tenu de l'importance des problèmes de l'éducation nationale dans les événements actuels, a demandé à y participer et je l'ai accepté. Il est possible également que les dirigeants agricoles aient à cette réunion un observateur. En tout état de cause, l'essentiel de la réunion, l'objectif de la réunion, c'est de prendre de face les questions qui se posent dans le domaine social et en ce qui concerne les revendications présentées par les syndicats ouvriers. Et c'est ce problème fondamental qui sera abordé, et je l'espère résolu, au cours des négociations qui vont s'ouvrir. Nous avons eu avec la CGT et avec les autres organisations, toute une phase de discussion importante entre décembre et février, décembre 67 et février 68. François Sérac. C'est la suite à la lettre reçue de M. Pompidou le 3 août 67, et nous avons discuté sur l'aménagement du chômage partiel. Bon. Pour les organisations syndicales, la situation dans les entreprises françaises d'avant mai 68 était caractérisée essentiellement René Bonetti. Par un regain d'autoritarisme du type de celui qui régnait à la tête de l'État. Chaque chef d'entreprise se prenant pour son petit général au petit pied, quoi. Hein. De sorte que les relations étaient mauvaises, les négociations contractuelles au point mort depuis des années. Et sur un point essentiel qui était l'exercice du droit syndical dans l'entreprise, la France avait un retard considérable. Il y avait une politique qui a été menée très régulièrement. Jean-Marcel Jeannonet. Réduction systématique de ce qu'on appelait les zones de salaire, tant en ce qui concerne le SMIC qu'en ce qui concerne les allocations familiales. C'est vrai que c'était une politique prudente et ceci faisait partie du résultat du tempérament de M. Pompidou. Et de son principal conseiller économique et social, qui était M. Balladur. Il ne voulait pas aller trop vite. Lorsque je lui proposais une action, il l'avait acceptée, je m'en proposais une autre en tant que ministre des Affaires sociales. Il me disait, ah ben non, pas tout de suite, qu'est-ce qu'on pourra faire ensuite, alors si on fait tout en même temps. Vous voyez ? Donc, il y avait, c'est vrai, au gouvernement, une politique un peu temporisatrice, mais non pas d'immobilisme du tout. Il s'agissait d'échelonner un certain nombre de satisfactions à donner aux Français, d'une façon générale. Voilà. Il y avait des rapports, je dirais, très suivis dans cette période entre les différentes organisations syndicales et ouvrières, et aucun d'entre nous, en février ou en mars 1968, n'avait la moindre idée qu'il y aurait quelques événements au mois de mai. Et la preuve, c'est que parlant de ces problèmes, notamment avec M. Krasucki et avec M. Bergeron, chacun à part, je leur avais dit, mais moi j'ai une petite opération à subir parce que je me suis fait mal en jouant au tennis, une petite hernie. Je préférerais profiter des temps tranquilles que nous vivons pour me la faire enlever. Et ils m'avaient dit, l'un et l'autre, chacun de son côté, bien sûr, vous pouvez être tranquille au mois d'avril. Et demain, il ne se passera rien. Et d'ailleurs, nous aurons besoin de nous retrouver soit avant les vacances, soit au lendemain des vacances, pour prévoir la suite de nos négociations. Je me souviens très bien que recevant, vers le mois d'avril, des syndicalistes ouvriers, j'ai entendu cette phrase. En tout cas, monsieur le ministre, il y a une chose certaine. Vous êtes tranquille maintenant, jusqu'à la rentrée d'octobre. J'ai reçu un message du Conseil national du patronat français par l'intermédiaire d'un militant de la CGT qui s'appelle Barjonnet, qui était responsable de notre service économique. Georges Segui. Un petit message me disant nous aimerions vous voir pour se discuter. Et alors, et nous avons répondu, pas en renvoyant l'ascenseur, mais par une déclaration publique, si le CNPF est prêt à ouvrir des négociations avec les organisations syndicales, qu'il le fasse savoir officiellement, publiquement, par les voies normales. Un point, c'est tout. Et c'est effectivement ce qui se produit entre le CNPF et le gouvernement, dès lors qu'ils ont convenu qu'on ne pouvait pas se tirer de ce conflit sans engager les négociations au niveau interprofessionnel national entre le gouvernement, le CNPF et les représentants des travailleurs. Il y avait en arrière-fond d'abord cette agitation et les aspects politiques qui commençaient à naître dans la semaine qui a précédé la fameuse semaine du départ du général qui a été 2 jours après Grenelle. Il y avait le désir très vif de M. Pompidou de trouver une solution négociée. Et au fond, moi j'ai l'impression que M. Pompidou considérait qu'il se situait dans la droite ligne de sa lettre du mois d'août, qui avait proposé des négociations au sommet sur un certain nombre de sujets. Eh bien, il considérait qu'en fait, on pouvait reprendre ces négociations dans un autre cadre, qui était ce contact de Grenelle, qui a été préparé, je dirais, un peu vite, dans les 2 ou 3 jours qui ont précédé Grenelle. C'est en fait, à mon avis, à partir du jeudi, que les contacts animés par M. Pompidou, par M. Balladur et par d'autres personnes qui étaient du côté de Matignon, avec les différentes parties prenantes ou discutantes, ont abouti à l'idée qu'après tout, il ne fallait pas retarder les choses et qu'il fallait aboutir. La première question était de savoir si oui ou non, il fallait, je dirais, accepter le principe d'une réunion au sommet sous la présidence du Premier ministre. Là, il n'y avait pas de question. La deuxième était de savoir si il était possible de négocier un accord global qui serait un accord cadre, prévoyant ensuite des négociations d'application de cet accord. Là encore, je dirais, tout le monde a été d'accord pour considérer que la situation française était telle qu'il fallait essayer de trouver honnêtement, les conditions d'un accord. Et par conséquent, du côté patronal, il n'y a pas eu de préalable. À partir du moment où il est apparu qu'il y avait un intérêt politique évident et un intérêt social pas discutable à aborder des contacts de cette nature, l'accord donné par le patronat était, je dirais, sans réserve. C'était une ambiance tout à fait extraordinaire, car c'était la première fois, enfin pour ce qui me concerne, que je me trouvais dans une telle circonstance, de nous trouver autour d'une table avec les plus hauts responsables du gouvernement, les plus hauts responsables du patronat et les plus hauts responsables des organisations syndicales. Mon regretté camarade Benoît Frachon, auquel j'ai succédé, lui, ce n'était pas sans précédent, puisqu'il avait dirigé la délégation de la CGT qui avait négocié les accords Matignon en 36, et par conséquent, c'était quelque chose d'un peu semblable dans des conditions historiques différentes. Historiques différentes par le fait qu'en 36, il y avait un gouvernement de gauche et une seule CGT. Ici, l'unité s'était faite avant ces accords Matignon, et ici, nous avions un gouvernement de droite. Et face au patron, des organisations syndicales divisées. C'est regrettable, s'il y avait eu les mêmes conditions qu'en 1936, nous aurions sûrement pu aller plus loin. L'atmosphère de Grenelle était une atmosphère curieuse, puisque J'ai moi-même interpellé le ministre du Travail de l'époque, car on manquait de chaises pour s'asseoir autour de la table de conférence. C'est vous dire que c'était d'une impréparation totale. Oui. Il y avait M. Chirac, il y avait M. Balladur, il y avait M. Jeannet. Ce qui a fait tourner la négociation d'une façon un peu différente de ce que Pompidou et moi-même souhaitions, c'est l'initiative qu'a pris M. Uvelin, président du CNPF, presque d'emblée, d'accorder une hausse de 30% du SMIC. D'emblée. Ça a surpris. Je dirais que ça m'a surpris particulièrement parce que la veille, je lui avais demandé de venir me voir et je lui avais dit, Monsieur le Président, ça vous étonnera peut-être de la part du ministre des Affaires Sociales et dans les circonstances où nous sommes, mais en tant qu'économiste et en tant que membre du gouvernement, je vous dis lâcher, naturellement lâcher sur les salaires, mais lâchez pas trop. Monsieur Pompidou était tout à fait surpris. Je crois qu'on peut l'expliquer d'une part l'inquiétude qui était générale, qu'il fallait lâcher. Bon, alors quand on se met à lâcher, on peut lâcher plus ou moins, soit. Mais peut-être aussi l'idée qui a toujours été celle du, hélas, du patronat français, que tout ça pas grande importance, on dévaluera la monnaie, on récupérera ensuite. Moi, je me souviens d'avoir reçu lundi, dans la journée, des coups de téléphone de certaines régions éloignées de France, où des travailleuses, notamment des femmes en particulier, ne voulaient pas croire ce que disait la radio sur le SMIC fixé à 3 francs, en disant « c'est pas possible », et pleurant au téléphone, en calculant la majoration de salaire que ça allait leur faire. Il y avait des bas salaires très importants à l'époque en France. Et il y avait 4 années à peu près qu'il n'y avait pas eu de négociation entre les syndicats et le patronat sur la majoration des salaires. Je crois que Pompidou a vu les choses comme, je dirais, un homme public. Un homme Michel Jobert. C'est-à-dire qu'il a décidé qu'en face d'une situation qui l'avait pris au dépourvu, il convenait de tailler de large et de se rétablir sur des bases de manœuvre. Alors, il savait très bien que Grenelle allait lui coûter fort cher et qu'il lui coûterait une dévaluation du franc. Il l'a dit à l'époque. Il a dit, bon, on fera 10%, peut-être plus, et on dévaluera ensuite le franc. Moi, j'ai entendu dire, si vous voulez, Jean Bornard, le président Pompidou, lâcher cette formule quand certains s'inquiétaient des conséquences économiques de cette espèce d'explosion. Dire « Oh oui, mais finalement, il vaut mieux une dévaluation qu'une révolution. » Qualitative, quantitative, on ne voit pas pourquoi on ferait une sélection entre en ce qui concerne l'augmentation de salaire. Pour moi, ce n'est pas seulement une revendication quantitative. La défense du pouvoir d'achat, c'est aussi qualitatif. Les conditions de travail, c'est aussi qualitatif. Les droits syndicaux dans les entreprises, que la CFDT a mis beaucoup en exergue, mais qui figuraient dans nos objectifs communs, il suffit de regarder les programmes que nous avons convenus, eh bien, tout ça faisait partie des revendications qualitatives, quantitatives, ça, ce sont des formulations que, pour ma part, je n'épouse pas. Toute revendication des travailleurs a un côté quantitatif et un côté qualitatif, qui se mélange ou qui se complète, disons. Alors voilà, nous avons lutté pour cela. Il y a eu un moment, une suspension de séance, au cours de laquelle Chirac, au nom de Pompidou, est allé parler avec la CGT. Jacques Chirac m'a proposé une conversation personnelle. Avant de dire oui ou non, j'ai consulté la délégation de la CGT qui a décidé d'accepter que j'entende ce qu'avait à me dire Chirac. Et Chirac me dit, voilà, nous voulons savoir, je suis en contact, c'est moi qui suis en contact avec le général. Il vient de me téléphoner et il désire savoir à quel prix on peut conclure la grève et à la reprise du travail. Parce que le général tient à vous faire ça, à vous communiquer qu'il y a chez vos alliés des gens qui ne rêvent qu'à détériorer le climat, déstabiliser la nation pour replonger la France dans une politique atlantique en alliance avec les Américains. Et nous tenons, le général et son gouvernement, nous tenons tout à fait à l'indépendance de la France, son retrait de l'OTAN, une politique d'ouverture et d'amitié, de coopération avec l'Union soviétique. Nous sommes convaincus que vous êtes très sensible à cela et que vous tenez, sinon, autant que nous, au moins tout autant que vous l'avez souvent déclaré. Et alors, nous voudrions savoir à quel prix on peut régler. Je lui ai dit, monsieur Chirac, vous trompez d'adresse. Moi, je ne suis pas ici pour négocier avec vous sur la base de la politique extérieure du gouvernement français. Moi, je suis un syndicaliste qui discute avec vous des revendications des travailleurs. Nous sommes quittés avec une certaine froideur, mais je dois dire qu'il y eut quand même cette petite tentative qui dénotait, je ne sais pas si c'est vrai que le général a téléphoné ça à Jacques Chirac, mais qui dénotait une grande méconnaissance en vérité de ce qu'est la CGT. Considérant que il y avait dans les entreprises déjà des délégués syndicalistes. Et que ces délégués étaient présentés sur des listes présentées par les syndicats au premier tour. Deuxièmement, que dans le comité d'entreprise, on avait introduit des représentants désignés par les syndicats en plus des représentants élus. Et je pensais que on avait pris là deux sortes de précautions. Pourquoi fallait-il qu'il y ait en plus une troisième instance à l'intérieur du comité d'entreprise qui soit purement syndical et qui ne s'inspire pas ni de la philosophie des délégués du personnel, ni de la philosophie du comité d'entreprise, et qui soit en fait, peut-être, je le craignais, une menace pour l'indépendance des délégués syndicaux et des comités d'entreprise. Bon. J'ai donc, moi, à l'époque, trouvé qu'il y avait déjà assez d'institutions sociales dans l'entreprise, et que deuxièmement, cette institution sociale était de nature à compromettre le libre jeu des deux autres, dans lesquels il y avait des syndicalistes. Lors d'une suspension de séance, Pompidou venait de recevoir un petit bout de papier qui avait eu l'air de l'intéresser d'une manière assez particulière. Et à la suspension de séance, il m'a dit « Savez-vous que vos amis, entre parenthèses, je faisais allusion à la CFDT, aux autres, ou sur le plan politique aussi, car j'étais moi-même au courant de ce qui se passait, j'avais reçu un petit bout de papier un peu avant lui, donc mon service d'information avait fonctionné au moins, sinon mieux que le sien, et qui nous informait d'une réunion entre le Parti Socialiste, le PSU, la CFDT, la FEN, l'UNEF, qui préparait une manifestation dans Paris qui n'a pas pu avoir lieu, qui s'est terminée par Charletti. Alors Pompidou, qui avait reçu cette petite information, il me dit « Savez-vous que vos amis n'ont pas l'air d'être très gentils avec vous parce qu'ils organisent une manifestation dans votre dos ?» Je lui dis « Monsieur le Premier ministre, je suis tout à fait au courant de ce qui se passe, et soyez sans crainte, ce n'est pas auprès de vous que je viendrai me plaindre pour régler des questions de cette nature. » Débats s'enlisaient. Et finalement, c'est la CGT qui a obligé la CFDT à conclure. Non, ça, je crois que c'est important historiquement. Je me rappelle toujours le geste de Krasouki, qui, avec son bras, comme ça, a fait un grand mouvement, et en s'adressant à la CFDT, a dit « Tout ça, ça suffit !» Et qui a dit « Faut conclure !» Et nous avons négocié jusqu'à, me semble-t-il, 4h de l'après-midi. Avec quelques sandwichs, mais sans table, car il n'y en avait pas. Et nous avions un rond de chaises, où chacun avait ses dossiers sur les genoux, on posait des papiers par terre, et on continuait à discuter allègrement. Cette négociation a abouti à ceci, c'est que nous sommes mis d'accord pour que, sur un certain nombre de principes, un texte de loi soit proposé, préparé et proposé. C'est le texte de loi qui est passé en décembre 1968, et qui a mis en place le principe de la section syndicale d'entreprise. Alors l'accord s'est fait vers le, semble-t-il, 3 ou 4 heures de l'après-midi, et je suis rentré chez moi complètement abruti. C'est vrai que le gouvernement souhaitait une signature, les autres organisations syndicales aussi, et le CNPF aussi, et nous avons dit non, pas question de signer, car nous considérons que ce qui a été obtenu, qui n'est pas négligeable, certes, ne constitue pas le maximum de ce que nous sommes en droit de pouvoir obtenir avec un mouvement aussi puissant. Et nous voulons bien en terminer avec un constat de ce qui a été obtenu et ce qui n'a pas été obtenu, et laisser le soin aux organisations syndicales par branche professionnelle, avec leurs patronats respectifs ou les directions des ministères respectifs, de poursuivre les négociations pour voir s'il est possible ou non d'aller plus loin. C'est effectivement ce qui s'est produit. Voilà pourquoi, au terme de cette négociation de Grenelle, il n'y eut pas d'accord et il n'y eut pas de texte signé. C'était Chronique de mai. une série de Dominique Chagnolot. Aujourd'hui, cinquième émission, est-ce l'apaisement ? Avec le concours du Centre de documentation du mouvement ouvrier et du travail de Nantes, 4 rue Désiré Colombe, Nantes. Le centre a publié de François Lemadec, L'aubépine de mai, chronique d'une usine occupée. Groupe de réalisation, Anna Sibert, Arlette Adrian, Claude Niort. Réalisation, Jean-Jacques Pierre. Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 5 août 1988. En bonus, voici un court extrait d'un entretien que le chanteur Renaud avait accordé à Noël Simsolo le 14 mars 1984. Mais 68, ça a été le grand bouleversement. C'est-à-dire qu'avant 68, bon, grâce à Dylan et... oui, ou à cause de Dylan. Enfin, plutôt grâce à Dylan, j'étais déjà complètement militant, branché, guerre du Vietnam, comité Vietnam... politique à mort, tu vois. Quand mai 68 est arrivé, ma vie n'a plus été que la politique, quoi. La politique et les gonzesses. Et les booms. Mais, qu'est-ce que t'as fait en 68 ? Ben, j'ai fait comme tout le monde, pas comme tout le monde, mais j'ai fait... j'étais au lycée Montaigne, donc en plein cœur du quartier latin, des événements. Et j'étais à l'époque, je m'étais fait embrigader par un pote chez les Mao, Parti communiste marxiste-léniniste de France. J'allais passer des soirées aux amitiés franco-chinoises, dans le 14e arrondissement, où on discutait pendant 2 heures pour savoir qui s'occuperait du sceau pour mettre la colle, pour aller coller les affiches pour le meeting qui aura lieu dans 3 semaines. J'exagère pas, avec des mecs qui se masturbaient pendant 3 heures sur des problèmes. Le Vietnam brûlait, moi je hurle Mao, Mao. Johnson rigolait, moi je vole Mao, Mao. Le napalm coulait, moi je roule Mao, Mao. Les villes crèvent, moi je rêve Mao, Mao. Les putains crient, moi je ris Mao, Mao. Le riz est fou et moi je joue Mao. L'impérialisme dicte partout sa loi. La révolution n'est pas un dîner. La bomba est un tigre en papier. Les masses sont les véritables héros. Les ricains tuent et moi je mets Mao, Mao. Les fous sont rois et moi je bois Mao, Mao. Les bombes tonnent et moi je sonne Mao, Mao. Les bébés fuient et moi je fuis Mao, Mao. Les Russes mangent et moi je danse Mao, Mao. Diop dénonce, je renonce Mao, Mao. C'est le petit livre rouge qui fait que tout enfin bouge. La base de l'armée, c'est le soldat. Le vrai pouvoir est au bout du fusil. Les monstres seront tous anéantis. L'ennemi ne périt pas de lui-même. Mao, Mao. Mao, Mao. Mao, Mao. Mao, Mao. Et puis... 68 est arrivé, et j'étais toujours embrigadé avec ces mecs, et les tout premiers jours de 68, ils m'ont entraîné avec leur dialectique à aller discuter aux portes des usines en banlieue avec les ouvriers pour leur apporter notre soutien, et puis parler avec eux pour voir ce qu'on pouvait construire, si on pouvait construire un socialisme à la chinoise en France, Et puis au bout de 2-3 fois que je me suis fait traiter de PD par les ouvriers derrière les grilles des usines, J'avais les cheveux jusqu'au coude à l'époque. Hein. Et retourne, va travailler, parce que j'avais 16 ans, j'en faisais 14, et en plus j'avais l'air d'une gonzesse. Bon, les mecs me prenaient pour un mariole, ce que j'étais sûrement à l'époque. Et puis surtout, ils étaient pas très polis avec moi. Alors au bout de 2-3 fois que je suis allé faire le pied de grue devant les piquets de grève des usines à Ivry, Vitry, avec les Mao, qui se faisaient aussi insulter, parce que les mecs venaient leur parler de Mao Tse-tung, tu vois, je veux dire... rien à cirer. Un jour, j'ai entendu qu'il y avait une manif au quartier latin. Je me suis dit, merde, je vais pas rester avec ces cons-là. Mais j'ai des potes de mon âge qui sont en train de se faire casser la gueule par les CRS. J'y vais. Et c'était le 8 ou 9 mai, ça. J'avais perdu 5 jours, quoi. Et je suis arrivé au quartier latin, et là, ça a été le... Je vivais un western, quoi, complètement. C'est-à-dire, c'est la première fois de ma vie que je... Non, j'avais, avant 68, hein, participé à quelques manifs où ça avait un peu cogné, pour la paix au Vietnam, mais c'était la première fois que je voyais des CRS casqués, Rangers, grenades lacrymogènes et tout. Et là, c'était fabuleux, quoi. C'est l'espèce d'inconscience, d'énergie, de prendre des risques monstrueux, quoi, pour... Et pendant, j'ai vécu tous les événements, quoi, dans la rue. Et le 13 mai, quand la Sorbonne était occupée, boum, je suis arrivé à la Sorbonne, j'en ai pu décrocher jusqu'à ce qu'on se fasse déloger, quoi. Mes parents, je les voyais une fois par semaine, le dimanche. Je leur disais, ça va, je suis en bonne santé, je suis pas mort. Eux, ils étaient tellement contents de me voir vivant et pas amoché que... Faut dire qu'avant 68, j'avais pas à peine le droit de sortir le soir, quoi. Enfin si, mais je devais rentrer à minuit, là. Quand je rentrais certains samedis soirs à 2-3 heures du matin, je me faisais engueuler comme du poisson pourri. J'avais les cheveux longs déjà à l'époque, ce qui n'est pas encore tout à fait rentré dans les mœurs. Pendant les 2 ans avant 68, je n'ai pas bouffé une seule fois à table chez moi. J'ai bouffé tout seul dans la cuisine. Mon père ne voulait pas me voir à table. Tant que je ne serais pas allé chez le coiffeur. Renaud Confidentiel, extrait d'un entretien que le chanteur Renaud avait accordé à Noël Simselot pour France Culture le 14 mars 1984. Stand up and walk out on me. Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh, baby, how do you Les années 60, une émission de Philippe Garbi, document INA Annie Lozana, réalisation Virginie Mourté. À suivre et d'ici là à télécharger, ainsi que les précédents rendez-vous de la série, sur le site franceculture.fr à la rubrique de l'émission.